Deux jours après la noce, les époux s'en allèrent. Charles, à cause de ses malades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. Le père Rouault les fit conduire dans sa carriole et les accompagna lui-même jusqu'à Bassonville. Là, il embrassa sa fille une dernière fois, mit pied à terre et reprit sa route. Lorsqu'il fit 100 pas environ, il s'arrêta. Et, comme il vit la carriole s'éloignant, dont les roues tournaient dans la poussière, il poussa un gros soupir. Monsieur et Madame Charles arrivèrent à Tostes vers 6 heures. Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. La vieille bonne se présenta, lui fit salutation, s'excusa de ce que le dîner n'était pas prêt et engagea Madame, en attendant, à prendre connaissance de sa maison.